Chez Dolbo Auto, on salue la période des fêtes en grand avec le Silverado 1500 2018 à 0% pour 72 mois. Monsieur Stéphane Fortin et tout le personnel souhaite un très joyeux Noël et une bonne année à toute sa clientèle et soyez prudents pendant la période des fêtes. Dolbo Auto, au 1770 boulevard Wahlberg, Dolbo Mistassini au 418-276-0580. Les employés et la direction du club de golf Domaine Lac-Saint-Jean désirent souhaiter un joyeux Noël et une bonne année à tous ses membres. Paix, santé et amour et une bonne saison 2019. Suivez-nous afin de profiter des différentes promotions pendant la prochaine année. Le club de golf Domaine Lac-Saint-Jean, 776 rue principale à Saint-Prime, 418-251-2831 ou visitez legolfsaintprime.qc.ca ainsi que la page Facebook. L'équipe de la SADC Maria Chapdelaine désire vous remercier pour la confiance que vous leur avez accordée durant la dernière année et elle vous souhaite un joyeux temps des fêtes et une bonne année. Que cette nouvelle année vous apporte le bonheur, la réussite, le succès dans vos projets ainsi que l'accomplissement de vos rêves. Développement économique Canada pour les régions du Québec appuie financièrement la SADC Maria Chapdelaine. À l'occasion du temps des fêtes, nos pensées se tournent avec reconnaissance vers ceux et celles qui font notre succès et tout le personnel et la direction de LCR Vêtements Chaussures souhaitent de très joyeuses fêtes à la population ainsi qu'à sa clientèle. Merci de votre support pour l'année qui se termine. LCR Chaussures et Vêtements, au 1463 boulevard Wahlberg, Dolbeau-Mistassini, au numéro de téléphone 418-276-9595 ou variétélcr.ca. L'équipe de Polaire 3 désire souhaiter de joyeuses fêtes à toute la population et vous remercie de la confiance témoignée durant l'année 2018. Polaire 3, 373 Avenue de la Friche à Dolbeau-Mistassini, 418-276-5018 ou visitez lepolaire3.com. Une page Facebook que j'ai découvert au cours des derniers jours, ça s'appelle Expo Sabermétrique. Il y a beaucoup de monde qui se pose la question, est-ce que des expos, est-ce qu'on a une possibilité, est-ce que Montréal est assez grosse, et le Québec, j'aime bien spécifier, et le Québec est assez grosse pour avoir les expos de Montréal. Oh, il y a un monsieur qui s'appelle Martin Bergeron qui a créé sa page Facebook qui s'appelle Expo Sabermétrique. Qui répond un peu à toutes ces questions-là. Il va également de statistiques avancées, peu importe. On lui parle. Bon après-midi, Martin. Ben, bon après-midi à vous, et merci beaucoup de m'inviter. Martin, effectivement, j'aimerais ça te parler un petit peu de Expo Sabermétrique. Donne-moi l'historique de ça. Ouais, ça a commencé que je suis un tripeux de statistiques avancées de baseball depuis quelques années. Et puis, donc, j'ai voulu commencer à appliquer ces statistiques-là, des WAR, des OPS, etc., à l'histoire des expos, pour revoir un peu qu'est-ce que ça donnerait. Puis, il y a des gens autour de moi qui étaient intéressés à ce que je leur disais. Je me suis dit qu'il devait donc y avoir beaucoup de Québécois qui seraient intéressés à lire ça. Okay. Alors, c'est pour ça que j'ai parti ma page au mois d'août. Et puis, ça a décollé, je vous dirais, plus fort que je pensais même depuis ce temps-là. Donc, manifestement, il y avait de l'intérêt. Puis, en passant, je suis d'accord avec vous là quand vous tenez à spécifier que c'est les expos de Montréal, mais en quelque part, c'est les expos du Québec. Ben ça, parce que ça m'agace, parce que moi, je suis un gars de région. Je suis un gars des régions. Ben, ça m'agace de voir ça, quand on parle toujours des expos. Comme je disais que l'Impact de Montréal, l'Impact, c'est pas juste l'équipe de Montréal, c'est l'équipe des régions également. Et il y aurait à développer ça. Ben, alors, vous avez raison. Puis, dans la convention collective du baseball majeur, là, la façon qu'ils calculent la grosseur d'un marché pour voir si ça les intéresse ou pas, il y a trois facteurs. Le premier, c'est la population de la région métropolitaine. Le deuxième, c'est le revenu par habitant. Puis le troisième, c'est le marché de télé. Okay. Vous autres, dans les régions du Québec, là, vous venez contribuer à ce que Montréal puis le Québec, ça soit un gros marché de télé. Et ça, c'est un des éléments qui intéresse beaucoup le baseball majeur. Quand on dit qu'on est quoi, 12e dans le marché de télévision Montréal, puisque selon l'étude qui a été sortie avant les fêtes, justement par la gang de Steven Brofman, on m'a dit, je pense, Montréal était 12e marché de télévision. Donc, ça inclut les régions, c'est ça? Oui, absolument. Moi, j'ai fait des calculs de mon bord, puis je nous mettais à peu près 8e, mais okay. Je contesterais pas l'étude du groupe de Brofman, qui sont certainement plus outillés que moi, là, mais peu importe, on se situe à peu près dans ces eaux-là. OK. Donc, juste par le fun, les statistiques avancées, là, ça donne quoi les expos? J'ai commencé à faire des conférences. J'en ai fait une à Montréal. Je vais en faire d'autres cet hiver, probablement à Québec, c'est un peu plus près de chez vous. Ouais. En gros, là, je vous dirais, dans les conclusions qui sortent avec les statistiques avancées et qui ont un peu choqué du monde, c'est que les expos de l'époque de Gary Carter, André Dawson et compagnie, là, du début des années 80, finalement, c'était pas une aussi bonne équipe qu'on pensait. Puis qu'en fait, cette équipe-là était très dépendante de trois joueurs, que sont Carter, Dawson et le grand oublié qui est Steve Rogers, qui était excellent. Mais c'est une équipe qui, fondamentalement, n'a pas de profondeur. Donc, Rodney Scott, par exemple, il a un grand total de 4 WAR en carrière. C'est vous dire comment il n'était pas... Un gars comme Jerry White était quand même... écoute, Jerry White était quand même un gars, un très, très bon réserviste. Comme quatrième voyageur, Jerry White était tout qu'un voyageur. J'ai pas de problème à ce qu'il soit un réserviste. Le problème de ces expos-là, c'est quand Rodney Scott est son partant au deuxième but, Chris Fire est son partant à l'arrêt-court, puis Larry Parrish est son partant au troisième but. Moi, je vous dis, toutes les statistiques avancées disent qu'on avait un avant-champ qui était faible. Parrish, défensivement, c'était tout qu'un joueur. À l'attaque, c'était un gars qui était capable de faire 25 à 30 circuits par année. Ouais, ben, alors, les statistiques avancées vous contredisent sur la défense de Parrish. Ah oui? OK. C'est vrai que j'étais, ouais. C'est vrai que j'étais jeune à l'époque. Sauf que oui, mais moi, mon point, c'est que on a jugé les expos de l'époque avec les connaissances qu'on avait à l'époque. Ouais. C'est justement la raison pour laquelle j'ai fait l'exercice aujourd'hui. C'est que maintenant, on a des statistiques un peu plus raffinées qui nous permettent d'avoir un autre coup d'œil sur cette équipe. Mais par contre, c'est intéressant ce que vous dites là, par contre. Je vais vous dire, on a fait parler à Jacques Doucet, parler à Roger Brulotte, parler à tous ceux-là qui étaient à l'époque, Claude Raymond. Ils vont vous dire que ce qui a coûté un championnat aux expos, c'est le fait de ne pas avoir de toit. Des programmes, plusieurs programmes doubles, un programme double au baseball, c'est fait pour être divisé. Et ça a coûté très cher aux expos au début des années 80. Ben moi, j'ai publié un article sur ma page qui prouve que c'est le contraire. Les expos avaient une meilleure fiche quand ils jouaient des programmes doubles que quand ils n'en jouaient pas. Ah oui? OK. Des fois, c'est bon de regarder les faits comme okay. Ça. Alors, j'ai publié déjà jusqu'à présent une quarantaine d'articles à peu près sur OK, OK. Donc, c'est pour ça que ça a choqué du monde. Parce que là ça fait deux fois qu'on se parle, puis ça fait deux fois que vous me contredisez. C'est ça? Ben, c'est-à-dire, moi, je me fie à ce que les statistiques et les faits donnent. Mais, puis c'est la même... Oui. Êtes-vous d'accord avec moi que Philippe... Avez-vous lu le livre de Philippe Allou? Oui, certainement. Il en parle justement des statistiques avancées, là. Puis, lui, le fameux livre qu'on n'a jamais vu, mais qui existe, là, il en parle, puis il a dit qu'il était des instincts. Si on se rappelle bien, Philippe, c'était un gars qui gérait pas juste avec les statistiques avancées, mais qui gérait également avec son instinct. Philippe, c'était ça la force de Philippe, c'est que c'était un gars qui était capable d'avoir, d'être 3-4 lancers en avant. Absolument. Puis c'est clairement le meilleur gérant qu'il y a eu dans l'histoire des expos. Puis probablement un des meilleurs gérants de l'histoire des majeurs. Il n'y a pas de doute que ça fait une différence. Puis quand on parle de l'époque là, des années 90, là, ça, il n'y a pas de différence entre ce qu'on se rappelle puis selon ce que les statistiques avancées donnent. Là, nos souvenirs sont fidèles à ce que c'était. OK. Donc, des années 90-94. Donc, vous êtes en train de me dire que les années 94... c'était les meilleures années, c'est probablement la meilleure équipe de l'histoire des expos. Ça, il n'y a personne qui va vous contredire là-dessus. Ah, sans aucun doute. Puis même en 93, là, c'était une excellente équipe. On se rappelle d'eux parce que ils ont eu un mois de septembre incroyable. Ils ont failli remonter la côte pour aller gagner la division. Mais si à l'époque, il y avait eu des wildcards, cette équipe-là aurait déjà fait les séries en 93. Puis ils seraient rentrés en série avec un momentum incroyable. OK, OK. Donc, ça doit être sûrement intéressant. Donc, c'était les statistiques avancées. Mais vous, qu'est-ce que vous dites? qu'est-ce que vous répondez à un gars comme que Dave Roberts, qui lui a géré beaucoup, beaucoup avec les statistiques avancées, qui ne gérait qu'avec ça? À un moment donné, il faut que tu aies quand même une. Faut que tu en prennes ta liste, non? Ah, certainement, c'est pas une religion. Ça, ouais, je suis bien d'accord. Il faut pas. Parce qu'après tout, si c'était ça, ça veut dire qu'on n'aurait plus besoin d'humains, dans le fond. Ben on aurait juste besoin de mettre un ordinateur sur le banc des joueurs, puis on demande à l'ordi de prendre des décisions. On ne se rendra pas là, évidemment, puis je dirais heureusement, mais il reste que c'est utile. Donc, après ça, ben, il y a des gérants probablement qui en abusent, effectivement. C'est peut-être facile des fois de se cacher derrière des statistiques pour prendre des décisions. Mais comme tu as dit avant, quand tu parlais de Felipe Alou, puis les gérants dans l'histoire aussi se sont souvent cachés derrière le fameux livre. Oui, qui n'existait pas. Ben ouais, c'est ça. Donc, personne n'avait preuve de ce qu'on avançait, mais comme c'est des choses qui avaient toujours été répétées, ben, on gérait en fonction de ça, en disant, ben, j'ai pas grand risque, parce que si ça se foire, ben, j'ai juste à dire que j'ai suivi le livre, tu sais. Ouais, effectivement, donc, effectivement. De cet angle-là, ça revient un peu au même. Donc, Marc, je t'appelle pour le dossier du retour du baseball. Écoute, moi, oui. T'en as fait publier plusieurs articles sur ça. Moi, je réponds, écoute, c'est sûr que l'étude de faisabilité de Brofman a été rendue publique avant les fêtes. Moi, je dis qu'à quelque part, que regarde, t'as pas besoin d'études de faisabilité pour voir que Montréal et le Québec est un marché de baseball. T'as juste à voyager. Moi, j'étais allé voir des villes comme Baltimore, Cleveland, Détroit. J'ai vu des villes également comme Pittsburgh. J'ai tout vu ça, là. Mm-hmm. Je peux te dire une affaire. faut aller dans ces villes-là pour on se pose même plus de questions après avoir vu ces villes-là. Ben, t'as raison. Puis d'ailleurs, là, dans celles que tu as nommées, il y en a que c'est des marchés beaucoup plus petits que nous autres. Ah, regarde, c'est ça. C'est ça. Puis donc, moi, j'ai aucune crainte que le baseball va bien fonctionner lorsqu'il va revenir. Parce que on dirait qu'il y a beaucoup de Québécois qui sont restés pris un peu dans la mentalité des années 90, puis ils ont l'impression que le baseball n'a pas changé, mais pourtant, il a changé fondamentalement sur trois points. Le premier, on en a parlé un peu avec les wildcards, c'est la formule des séries. Il y a maintenant deux fois plus d'équipes qui font les séries qu'à l'époque des premiers expos. Ça, c'est le premier point. Ouais. Le deuxième, c'est le partage des revenus entre les équipes qui est maintenant très généreux puis qui fait en sorte que quand tout le baseball va bien, c'est toutes les équipes qui en bénéficient puis tu n'as pas besoin d'aller chercher tous tes revenus sur ton marché local. Puis en passant, c'est un élément fondamental pour Montréal que quand les transferts d'argent du partage des revenus sont envoyés, ces dollars-là sont en US. Ouais. Donc, à l'époque, on avait souvent. Ben oui, à l'époque, on avait souvent de la misère parce qu'il fallait payer nos joueurs en américain, mais nos revenus étaient en canadien. Avec les prochains expos, là, ils vont avoir plus que la moitié de leurs revenus qui vont être en dollars US. Fait que le choc du taux de change va être beaucoup moins grand qu'à l'époque. Oui, effectivement. Effectivement. Donc. Le troisième. Oui. Et le troisième et dernier changement fondamental, à mon sens, c'est ce qu'on appelle dans le jargon le moneyball. C'est-à-dire que les clubs qui ont des budgets plus modestes sont beaucoup plus intelligents maintenant dans leur façon d'utiliser leur budget. Puis les équipes à budget moyen, en particulier là, dans le baseball d'aujourd'hui, s'en tirent très bien. Les Astros de Houston, c'est un budget moyen. C'est vrai, il y a chose, mais les autres, ils ont bénéficié, c'est qu'ils ont été plusieurs années dans le cadre, et ils ont bien repêché, puis ils ont bien développé aussi. Puis c'est ça qui fait en sorte que cette équipe-là est là pour quelques années. C'est les Altuve, les Springer et d'autres sont là pour rester longtemps. Oui. Là. Puis sais-tu qu'est-ce qu'ils ont fait? En 2013, là, leur masse salariale était, écoute bien ça, 22 millions de dollars. Ils payaient rien. Ils ont mis de l'argent de côté pour être capables de garder leur vedette quand ils seraient rendus au pic. Je trouve que c'est tellement intelligent comme façon de gérer ton budget. OK. Comment tu vois ça, les expos? Est-ce que tu là, on dit tout que oui, c'est possible, mais comment tu vois ça? Moi, je pense que quelque part, si c'est les Rays de Tampa Bay qui s'en viennent à Montréal, comme je pense que c'est ce qui va arriver, La clé de ça, ce sera de bien payer leurs dépisteurs, bien payer leur équipe de développement. C'est là que ça va passer. Écoute, on compétitionnera pas les Yankees, on compétitionnera pas les Orioles de Baltimore, ça c'est clair, net et précis. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut être comme les Rays. Et les Rays, s'ils auraient été dans la centrale, ils auraient été en série. Ben, t'as tout compris. C'est ouais. Exactement ça. D'abord, les Rays, ils ont gagné 90 victoires en 2018. Et là où t'as vraiment bien compris le baseball d'aujourd'hui, c'est que t'as vraiment pas besoin de signer des agents libres avec des contrats de fou pour gagner maintenant. C'est révolu ce temps-là. Puis effectivement, des équipes comme les Rays, puis oublie pas cette année, les Brewers de Milwaukee ont battu les Cubs dans la Nationale centrale. Puis Milwaukee, là, c'est le plus petit marché de baseball qui existe aujourd'hui. C'est à peine plus qu'un million de personnes, la région de Milwaukee. Là, tu comprends pas le Green Bay aussi, là, ce que les Packers sont, c'est ça? Oui, absolument. Ah, ben, Green Bay, écoute, ça, c'est vraiment un village. Oh, okay. Mais le stade est là. Il bénéficie de la population de Milwaukee, qui est à peu près à une heure de route. Ouais. Donc oui, c'est un peu le même marché sportif, là, t'as raison. Mais Milwaukee, c'est un tout petit marché. Ils ont une masse salariale très modeste. Puis ils ont été à quelques retraits d'être capables de se rendre en série mondiale. Hein. Effectivement. Donc, non, regarde. Moi, ça ne me convaincra pas. Par contre, il faut en convaincre une maudite gang. Puis ce que je trouve dommage, c'est que j'ai fait un entrevue avec Patrick Lagacé cette semaine, c'est qu'il ne semble pas être au courant de la réalité du sport, la nouvelle réalité du sport. Et quelque part, puis il y a encore l'impression que c'est comme les expos en 2004. Ouais, ben c'est ça. Bon. Ah, écoute, la critique face au retour des expos, là, elle est venue de deux mentalités. Ouais. La première, j'appellerais ça l'école de pensée Pierre-Yves Maxwin, c'est que lui, il est convaincu que le baseball va mal présentement, que c'est un sport qui est en déclin et que ça donne rien qu'on s'embarque là-dedans. Bon. Lui a totalement tort, là. On va juste régler ça avec quelques chiffres, là. Les revenus du baseball majeur, il y a 10 ans, c'était 4 milliards de dollars par année. Puis cette année, là, ils ont dépassé 10 milliards de dollars. Ouais. Puis avec les juteux contrats de télé qu'ils ont signés pour les 20-25 prochaines années, là, ça va continuer à monter. Fait que ceux qui pensent ça, c'est pas très difficile à défaire leur argument. Ouais. Bon. Après ça, de l'autre côté, ça, c'est l'école Patrick Lagacé qui, lui, dit, ben justement, parce que le baseball va bien puis qu'ils sont riches, on n'a pas d'affaires à les subventionner. Puis là où tu as raison, c'est que sur le plan baseball, sur le plan budgétaire des équipes, lui, il est resté ancré dans la mentalité de 20 ans, puis donc, il est convaincu que si on est un club pauvre, on sera jamais capable de compétitionner. Fait que ça, je pense que s'il se met à jour un peu là, sur la nouvelle réalité du baseball, il va comprendre que les expos vont être facilement capables. Mais ces gens-là, Patrick Lagacé, puis ça, j'y ai dit à Patrick Lagacé, puis j'y ai dit à Pierre-Yves Maxwin que j'aimerais bien parler, qui est un économiste en passant, mais un économiste, ça veut dire ce que ça veut dire. Des fois, là, quand t'es pas pour, tu dis pas tout non plus. C'est qu'on parle rien que des passifs, on parle pas de l'actif, on parle pas de l'impôt des joueurs, on parle pas également de la publicité que génère une ville. Puis ça, j'ai dit à Patrick Lagacé cette semaine, entends-tu parler d'Oklahoma City, à part que quand on parle du Thunder d'Oklahoma City, on n'entend jamais parler d'Oklahoma City. Ça, c'est à l'époque, on disait que c'était 8 millions par année dans le temps des expos. Puis là, avec la multiplication de plateformes, on peut dire que c'est beaucoup plus maintenant. Ensuite de ça, on a du tourisme. Le tourisme, c'est vrai que moi, que j'aille au lac Saint-Jean, que je sois à Montréal, l'argent, je vais la dépenser ailleurs. Ce que Pierre-Yves McSween dit, c'est vrai. Par contre, quand les Yankees et les Red Sox étaient à Montréal dans le temps des années des expos, ça partait de 4 à 25 000 spectateurs. Et ça venait pas du lac Saint-Jean, ça venait de l'État de New York, l'État de Boston et ainsi de suite, New Hampshire, du Maine. Ben, t'as tout à fait raison. T'imagines si on a les Rays puis qu'on est placé dans la Ligue américaine. Les Jays. Ça veut dire 9 ou 10 parties par année contre les Red Sox, 9 ou 10 parties par année contre les Yankees, puis 9 ou 10 parties par année locales, là, dont je parle, contre les Blue Jays. En partant, là, t'as quasiment 30 games sur 81, là, où t'es assuré de remplir ton stade, puis il va être rempli, entre autres, par les touristes qui vont venir voir. Oui, effectivement, effectivement. Martin, très intéressant. On pourrait en parler pendant longtemps, longtemps, longtemps. Donc, on invite les gens à aller sur ta page Facebook. Est-ce qu'il va y avoir un site Internet aussi avec des podcasts et ainsi de suite? J'ai comme l'impression que ça s'en vient en 2019. OK, bon, ben, je vais te souhaiter une bonne année. Joyeux Noël, puis une bonne année. Puis on va sûrement s'en reparler une couple de fois. C'est très intéressant. C'est la première fois que je te parlais, puis je pense que ce ne sera pas la dernière. La même chose à toi, mon cher, puis ça va toujours me faire plaisir qu'on se parle. Martin Bergeron, qui a une page Expo Cybermétrique.